We're going to play the second movement of Mozart's D major violin concerto, and I want to introduce an advanced vibrato technique. Since the highest point of the vibrato is the correct pitch, we will go away from this pitch with a slow motion, but go back up to the pitch with a faster motion. The exercise looks like this. Can you try it? Now let's practice this exercise with the rhythm. This will enable you to play with a fairly slow vibrato and a narrow vibrato, but it will still easily carry your sound into a large hall. L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour rendre un témoignage plus poignant, on peut mettre des trémolos dans la voix. Cela permettra de donner plus d'épaisseur expressive à ce qu'on dit, au risque d'en mettre assez vite beaucoup trop. Si le vibrato souligne l'émotion, comment se fait-il qu'il en faille si peu pour arriver à l'excès aussi rapidement? Dans Métaclassique, quand nous nous essayons à l'anatomie des composantes de l'expression musicale, nous essayons de nous y prendre au plus poétiquement. En l'occurrence, pour comprendre pourquoi le vibrato peut buter sur ses limites, nous avons demandé à deux instrumentistes de fouiller dans leur mémoire. À quel moment de l'histoire le vibrato est-il devenu suspect? Pourquoi et comment font-ils eux-mêmes depuis pour déployer tel ou tel type de vibrato? C'est avec le bassoniste Pascal Gallois que nous allons passer le plus long temps de cette émission. C'est lui qui a souhaité que nous donnions d'abord la parole au guitariste Benoît Boivin, qui nous a proposé de démarrer l'émission par un extrait de la Mazurka Choro de Villa-Lobos dans l'interprétation du guitariste Julian Bray. On vient d'entendre cette Mazurka Choro de Villa-Lobos par Julian Bream. C'est vous qui l'avez choisi, Benoît Boivin, parce que vous trouvez là l'exemple d'un instrumentiste qui investit le vibrato de façon spécifiquement expressive. Oui, spécifiquement expressive et je dirais dans le respect vraiment des intentions du compositeur. Un des grands prédécesseurs de tous les guitaristes était Andrés Segovia, qui lui avait fait du vibrato sa marque de fabrique. Si on écoute les enregistrements de Segovia, ça vibre évidemment partout et c'est une façon de jouer qui n'a plus lieu d'être. Mais alors pourquoi? Parce qu'on est moins romantique qu'on l'était ou on se méfie du côté pathétique que peut dégager un jeu extrêmement vibré? C'est-à-dire qu'en fait, tout est affaire de goût. Est-ce que trop vibrer, c'est vraiment être romantique? Et l'exemple de Julian Bream, là, je pense que c'est une interprétation juste. Juste stylistiquement parlant. Voilà. Il y en a ni trop peu, ni trop. Voilà. Il y a des gens qui jouent sans, quels que soient les instruments, il y a des gens qui jouent sans vibrato. L'exemple de Segovia, c'est une façon de jouer. Il faut dire qu'à l'époque de Segovia, il y avait tout à faire pour la guitare. C'est-à-dire qu'il fallait que la guitare devienne un instrument classique, ce qu'elle n'était pas auparavant. Et il a sollicité énormément de compositeurs néoclassiques. Il s'est tourné vers la musique romantique. Et il fallait que la guitare existe. Et je pense que c'était une des armes de Segovia, justement. Après, il n'y a plus besoin, puisque la guitare est... Mais dans ce que vous dites, ça voudrait presque... On pourrait presque en conclure que le vibrato est une espèce d'outil pour gagner en dignité lyrique. À l'époque. Oui. À l'époque. Et puis après, grâce à Segovia, et dans Julian Bream et John Williams, c'est deux des élèves les plus représentatifs de Segovia, à leur époque, c'est-à-dire dans les années 70-80, la guitare avait acquis ses lettres de noblesse et il était moins nécessaire de faire démonstration. Et puis, et peut-être le vibrato, là, était utilisé de manière plus... avec une économie au service du texte. Elle était plus sobre alors. Voilà, absolument. Est-ce que ça veut dire quand on joue moins vibré, donc plus droit, qu'il faut jouer plus métrique, plus dans la mesure? Tout dépend de la musique. Tout dépend de la musique. La métrique, si vous jouez du Jean-Sébastien Bach ou si vous jouez du Moreno Toroba ou de la musique contemporaine. Mais on a l'impression qu'il y a quand même plus de place pour le vibrato chez Toroba que chez Bach. Mais oui, mais quel que soit l'instrument, je pense. À ma connaissance, le vibrato et la musique baroque, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Enfin, c'est pas vraiment. Est-ce que, d'un point de vue technique, toutes les cordes de la guitare sont égales devant le vibrato? Plus les cordes sont grosses, plus c'est facile de les faire vibrer. Hein. Ah, voilà. D'accord. Alors justement, vous avez le premier prélude de Villa-Lobos qui commence sur la cinquième corde. Et si mi, et évidemment là on a toute l'attitude pour rendre ce mi sur la cinquième corde expressif. Et selon les doigts, est-ce que c'est plus hors sujet de vibrer avec l'auriculaire qu'avec l'index? Ah, c'est très bien l'auriculaire pour vibrer. Ah oui, l'auriculaire, mais le petit doigt il est moins fort. Ah oui. Là, c'est technique, c'est pas du tout stylistique. Mais oui, mais sauf que ça a des conséquences quand même musicales. Oui, bien sûr, mais de toute façon, en termes d'interprétation, les doigtés, c'est aussi ce qui fait l'interprétation. En plus, nous avons un instrument où une même note peut se retrouver sur quatre cordes différentes, et donc avec une couleur différente. Vous prenez un mi à vide première corde que vous retrouvez à la cinquième corde sur la deuxième corde que vous allez retrouver sur la troisième, sur la quatrième. Il va y avoir une couleur différente et une façon de faire vibrer différemment. Thank you. Bonjour Pascal Gallois. Bonjour David. Dans ce que vient de nous expliquer Benoît Boivin, on comprend que quand même le vibrato, finalement quel que soit l'instrument, c'est quand même une question d'époque. On en faisait plus il y a un peu moins d'un siècle qu'aujourd'hui. Oui, oui, c'est tout à fait la référence. Moi, je suis instrumentiste avant. C'est pour ça que je me suis dit, on va aller demander à Benoît, mon collègue et ami, qui est guitariste et qui a une approche forcément différente de celle d'un instrumentiste avant. J'ai commencé, moi, je suis né en 59, j'ai commencé dans les années 60 un instrument avant et plusieurs instruments avant, effectivement. Et la question du vibrato, à cette époque, elle ne se posait pas, finalement. Tout le monde vibrait parce que les plus grands instrumentistes vibraient. J'entendais des enregistrements de ces années-là, ces années 60, du grand Maurice André, qui vibrait beaucoup, et qui d'ailleurs, après quelques années, on l'entend moins vibrer sur certaines notes, ne pas vibrer. Voilà, on l'a aussi dans la trompette de jazz. Et un instrument parmi les vents qui utilisait beaucoup de vibrato par tradition, c'était le saxophone, qui vivait sous l'influence de l'école de Marcel Mull des années 1930. Mais c'est très intéressant ce qu'on voit, parce que Marcel Mull mesurait le vibrato avec la pression des lèvres sur l'anche, donc c'était une oscillation de hauteur, donc, comme sur le violon. Il faisait véritablement comme un tri, presque. Oui, comme sur le violon, par exemple, en pinçant l'anche ou en relâchant, parce qu'il y a deux types de vibrato. Alors là, quand on est instrumentiste avant, voilà, parce que pour la guitare, avant, on ne peut que faire avec le doigt, vous pouvez faire on avec plusieurs On a comme sur la guitare, on peut pincer ou baisser, et donc monter ou baisser l'intonation, donc alternance d'intonation, ce qui est le cas de la guitare. Mais chez nous aussi, c'est chez les vents, comme pour les chanteurs, ça peut être aussi la variation, l'alternance d'une nuance, forte et piano. Ah, ah, ah, ah, ah. Et on dit le grand vibrato élégant, et le basson en est un exemple, c'est l'alternance, c'est ce qu'on dit en Allemagne, hein, moi j'ai enseigné en Allemagne, l'alternance entre forte et piano. Donc il s'agit de rester juste, il s'agit surtout exactement. Pas de varier la hauteur. L'intonation ne change pas, la hauteur ne change pas, change le volume. Voilà. Ce qui doit être très difficile techniquement, parce que... Oui, quand, ça demande une grande... Alors, effectivement, je pense que le vibrato, alors là, je vais peut-être parler au nom de Benoît, mais d'autres instruments, le vibrato, quel qu'il soit, ne doit pas être vraiment travaillé, mais doit venir naturellement quand on a une grande maîtrise. Il faut avoir une grande maîtrise de l'instrument, donc que ça soit la voix. Je regardais sur YouTube, j'invite les auditeurs à écouter, on en voit beaucoup de choses sur la voix, même de Montréal, etc., de tous les horizons. Mais ce qui est certain, c'est que le point commun, c'est qu'il faut une grande maîtrise de l'émission, de sa sonorité. Et à partir de là, le vibrato, je pense qu'on peut mettre tout le monde d'accord, doit être élégant, ne doit pas se remarquer, mais est une marque de personnalité. C'est-à-dire que c'est un appoint pour commenter une phrase musicale, comme le disait Benoît Boivin aussi, pour aller vers, c'est important, ce que voulait le compositeur. Et là, j'en reviens, on sait que le romantisme, c'est le vibrato. J'en ai parlé avec beaucoup de compositeurs avec qui j'ai eu la chance de vivre la fin de leur vie, qui étaient de Boulez à Berio, par exemple, ou Stockhausen, qui n'aimaient pas le vibrato. Parce que pour eux, c'était... Tous. Oui, c'était, j'en parlais, parce que moi, j'étais un instrumentiste avant. Des compositeurs nés dans les années 1920. 25, et qui ont émergé juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui se sont plutôt rebellés contre le romantisme. Et donc, voilà. Et par exemple, avec Pierre Boulez, j'ai une conversation sur le vibrato et la tradition de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, de ne pas vibrer. Quelle serait l'antithèse, Pascal Gallois ? Ce serait donc une version française ? Si on peut retrouver une version française de la même chose. Mais par exemple, avec Boulez, quand je parlais de Vienne, quand Boulez dirigeait beaucoup l'Orchestre Philharmonique de Vienne, je m'étais amusé, j'adorais jouer le solo de basson du deuxième mouvement de la première symphonie de Mahler. Et Pierre Boulez me dit « Attention, à Vienne, on ne vibre pas du tout ». C'est vrai, j'étais prof à Vienne. Moi, j'ai enseigné au conservatoire de Vienne en 2010, conservatoire Wien. Et c'était vraiment là, on ne vibre pas. Alors, c'est aussi très difficile de ne pas vibrer du tout. Je l'ai fait parce que j'ai joué le concerto de Mozart à Vienne et j'ai écouté des enregistrements de grands bassonistes des années 50-60 viennois qui ne vibraient pas du tout dans le concerto de Mozart, alors que les bassonistes à la même époque en France et en Allemagne vibraient beaucoup. Ça donnait quelque chose de très surprenant. Donc il fallait, en ne vibrant pas et en jouant le deuxième mouvement du concerto de Mozart, avoir une très bonne gestion de l'intonation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être bien juste, parce qu'il y en a pas, on peut pas jouer sur le côté, on bricole un peu autour de l'intonation, soit avec les lèvres, soit avec l'air. Et donc, il faut être vraiment très franc et il n'y a pas beaucoup de marge. Et donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, quand j'ai beaucoup travaillé avec Berio, moi, c'était sur le basson contemporain, où justement, j'ai fait un travail sur le glissando, sur le basson, donc là il n'y a pas question de vibrato parce que c'est un glissando continu. Et Berio me disait, c'est très bien ce que tu fais parce que tu ne vibres pas ici. Et il me disait, en Italie, il y avait une tradition où le bassoniste vibrait beaucoup qui remontait au romantisme. On sait que les Italiens particulièrement ont une image du romantisme, du vibrato, du ténor, voilà, c'est très fort et très beau quand c'est bien fait avec beaucoup d'italianita, comme on dit, c'est bien. On dit parfois précisément que pour ce qui est du chant, le vibrato est arrivé avec le 19e siècle, avec les grandes salles, comme s'il s'agissait aussi de faire vibrer l'architecture du lieu qu'il fallait le remplir. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Gallois ? C'est la première fois que j'entends ce point de vue et je pense que c'est une bonne explication. Je pense que c'est vrai. J'ai beaucoup réfléchi d'abord sur l'Europe. Je vais peut-être sur quelque chose qui va vous sembler curieux, David. Mais l'Europe a inventé le concert. L'Europe a inventé d'ailleurs le compositeur, les compositeurs qui échangent entre les pays, mais également la salle de concert et l'auditorium. Et effectivement, on le revoit maintenant, parce que maintenant, on est finalement dans un nouveau cycle. On refait la Philharmonie de Paris, comme on a fait la Philharmonie de Berlin ou la Philharmonie de Hambourg. Et donc, à chaque fois, on parle de l'acoustique, du volume, comment remplir le volume. Et c'est vrai que, je pense maintenant que ça peut être une explication. Paradoxalement, dans une église aussi, pour bien percevoir comme il y a des échos, on peut avoir envie aussi de le faire. Et là, je reviens sur Maurice André, qu'on peut entendre sur un tas d'enregistrements magnifiques. Il avait un son extraordinaire. Et alors, chez Maurice André, vous avez repéré qu'il vibrait un peu stratégiquement, comme pour faire éclore un discours, plutôt en fin de phrase. Très souvent, c'était ça. Oui. Je ne sais pas si c'est stratégique, mais c'était par goût personnel. Et je pense que de toute façon, le vibrato, c'est le goût. Et le même vibrato peut paraître outré chez une personne X et normal chez une personne Y. Je dis un peu comme la cuisine, quoi. Finalement, c'est un peu des ingrédients qu'on ajoute, le sel, le poivre et les condiments, etc. Certains le font avec beaucoup de doigté et ça passera très bien. D'autres en mettront moins et ça retraite trop fort. Enfin voilà, il faut pas que ça soit travaillé. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut qu'on sente qu'on le fait avec le cœur et l'envie de le faire. Le paradoxe, c'est qu'il ne faut pas que ce soit travaillé, mais il faut que ce soit archimétrisé. On va écouter un petit extrait de la vidéo YouTube d'une chanteuse montréalaise qui nous explique comment bien vibrer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la série Les super athlètes de la voix. Il faut comprendre en premier lieu que le vibrato est simplement le résultat d'une bonne technique vocale. Une technique vocale saine. Qu'est-ce que c'est le vibrato? C'est simplement une oscillation rapide entre deux notes. Vibrato! On met souvent le vibrato à la fin d'un mot pour embellir le mot. Mais on peut aussi le mettre à différents endroits stratégiques selon nos goûts personnels. Donc, en fin de compte, le vibrato, c'est quoi? C'est simplement un effet. Le vibrato vient simplement embellir notre chant. C'est beau, un vibrato. Un chanteur qui a un beau vibrato, c'est le fun d'entendre ça. Il faut faire attention parce que le vibrato aussi peut cacher plein de petits défauts vocaux que l'on a. Donc, attention. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sûr d'avoir une bonne technique vocale avant d'utiliser le vibrato et avant de mettre du vibrato. Un bon vibrato, c'est produit par quoi? Non, ce n'est pas produit par le ventre, en se rentrant le ventre. Et ce n'est pas produit par la mâchoire. On entend bien dans ce que nous explique Marie-Laurence Dubé que le vibrato, il ne faudrait pas que ça devienne un masque ou quelque chose qui permet d'enrober une justesse un peu flottante. Oui, mais c'est exactement proche de ce que je disais et ce que disait tout à l'heure Benoît Boivin pour la guitare. Il ne faut pas que ça devienne un artifice qui vient là comme un cheveu dans la soupe, quoi. Moi, je pense que... Alors, je vous ai parlé des grands compositeurs contemporains que j'ai rencontrés pour qui le vibrato, et c'est normal, était assimilé au romantisme. Et donc, l'écriture, notamment de ces compositeurs qui étaient de la musique sérielle, qui s'est surtout développée après la Deuxième Guerre mondiale, était une rébellion contre le romantisme, c'est un passage obligé, et le vibrato faisait partie de cette rébellion. Voilà. Ce qui n'a pas empêché que quand ils voulaient un vibrato, ils écrivaient vibrato sur la partition. Voilà, c'est ça la différence. Les compositeurs, depuis, écrivent vibrer ou ne pas vibrer. Vibrer fort ou vibrer avec les lèvres, vibrer avec l'intensité. Voilà, c'était vraiment précisé. Donc là où c'était une initiative d'interprète, c'est devenu un élément de langage. C'est devenu un élément de langage voulu par le compositeur. Et pour le passé, on ne sait pas trop. Enfin, c'est certain qu'on devait, tu as raison, remplir les grandes salles d'opéra dans les années 1870-1880, les grandes années du romantisme d'opéra. Et ça devait être certainement important aussi pour projeter aussi d'un orchestre. Aussi. Il y a aussi ça, la notion de projection. Sur un basson qui est un instrument très doux, c'est vrai que le vibrato permet de projeter. On peut l'analyser sur le basson, par exemple. Puisque c'est l'alternance, le bon vibrato, entre forte et piano. C'est-à-dire qu'en jouant forte, on va donner plus d'harmonique aiguë et piano plus d'harmonique grave. Donc ça sera une variation d'harmonique, une variation de timbre. Ou à ou, à ou, à ou, à ou, quand ça fait ou, à ou, à. Ça touche à la couleur. Voilà, le ou est plus sourd et plus piano, et le a est plus clair et plus présent. Donc je pense que ça donne aussi plus de relief et plus de présence à une voix douce, comme le basson. Il y a eu ensuite, je vous ai parlé des années 50, on va dire, des compositeurs qui ont voulu pas le vibrato. Et puis après, il y a eu dans les années 80, le retour au baroqueux, aux instruments baroques. Ça, c'est quand je suis sorti du conservatoire de Paris. On commençait à peine à toucher les bassons baroques, etc., avec les plus premiers. Et donc, on arrivait sur ces instruments en vibrant, finalement, comme nous l'avaient montré nos professeurs. Ce qui était une faute de goût. Ce qui était, voilà, à cette époque-là, on devait faire un effort pour ne pas vibrer. Donc, paradoxalement, il fallait jouer comme les Viennois jouaient la musique romantique. Ça veut dire que les référents étaient nécessairement décalés par rapport à la période historique visée. Voilà, les référents étaient décalés. Et puis, il me vient l'idée aussi que, quoi qu'il en soit, dans l'orchestre, moi, je suis un instrumentiste qui a une grande expérience de l'orchestre, et le basson est au centre. Il y a deux instruments qui, finalement, ne vibraient pas quand les autres vibraient beaucoup. C'était surtout la clarinette et le cor qui ne vibraient pas. Et donc, là, le hautbois et le basson avaient le droit de vibrer beaucoup, etc. sauf le corps français dans l'aigu, dans certains cas, voilà. Également, on peut parler du vibrato dans le jazz. En mémoire, on peut certainement retrouver sur YouTube des rencontres entre Maurice André et Dizzy Gillespie. Voilà, c'est. Alors là, il y a un enjeu de soliste aussi, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est bien pour le soliste de vibrer quand l'orchestre ne vibre pas ou qu'on s'en sert comme d'un contraste aussi. Oui, c'est une marque de la personnalité, y compris dans le. Dans la musique pop, je veux dire Julien Clerc ou Véronique Sanson, bien sûr, pour ne citer qu'eux, un vibrato tellement présent. Au départ, on s'en a amusé, mais en même temps, on peut plus enlever ça. Enfin, c'est devenu une marque de fabrique, une marque de personnalité. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. C'est bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain. Dans le cas de Julien Clerc, c'est presque devenu une caricature quand on le surnomme la chèvre. Oui, c'est ça. Mais ça s'est vu dans des instruments classiques aussi. Ouais. Ça se voit. On a été surpris. Moi, j'ai assisté, j'étais jury de concours internationaux, donc ces dernières années à Munich, concours ARD, où j'ai entendu des bassonistes du monde entier. Eh bien, quand quelqu'un de personnalité, je m'assure qu'au début, on peut être surpris par un vibrato. C'est toujours original, finalement, un vibrato. C'est jamais le même, quoi. Quand c'est vraiment bien fait, que le vibrato est bien en cohérence avec le jeu instrumental et la volonté de l'interprète, eh bien, ça devient quelque chose de... C'est plus un artifice, voilà. On n'a plus envie de le critiquer, ce vibrato. Et puis, je pense que Julien Clerc, c'est un peu ça. La première fois, on a entendu, on a trouvé ça très, très, très comique. Et puis après, maintenant c'est plus pensable, le sens du vibrato. C'est ça, c'est devenu une marque. Lui demander. Mais c'est intéressant parce que là, c'est un point commun. Je pense qu'on pourrait retrouver ça, même dans toutes les musiques, même folkloriques, africaines, inuites. Le vibrato, finalement, est partout. Le vibrato ultime, c'est le yodel. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, le vibrato, quand on regarde étymologiquement, ça vient de vibrer, hein, ça veut dire en italien, c'est vibrer. Et quand on dit je vibre, c'est-à-dire qu'en fait j'ai de l'émotion. Je pense que là, on est dans le vrai, qu'il faut avoir de l'émotion. Et comment qualifier, on ne peut pas dire j'ai de l'émotion parce que je vibre, parce que quelquefois, on a de l'émotion parce qu'on ne vibre pas. Quelquefois, on se contient et ça devient émouvant. Je reprends encore dans le folklore, Gainsbourg, je sais pas, peut-être des fois il y a des moments où il chante complètement à l'intérieur de ses dents, on n'entend plus rien, ça ne vibre pas du tout, ça devient émouvant tellement c'est étouffé, quoi. Voilà. Donc, Finalement, ce vibrato, c'est un objet sonore qu'on ne doit pas remarquer. Et quand on commence à le remarquer, c'est que finalement, c'est pas réussi. Voilà, il faut éviter les dogmes. Là, je reprends mon fameux orchestre philharmonique de Vienne, qui y arrive très bien, bien sûr, parce que quand on y réfléchit, ça donne une unité de l'orchestre extrêmement forte. Parce que tous les instruments sont obligés de jouer ensemble bien juste, sans qu'il y ait une disparité. Par exemple, les hautbois qui vibrent, ou les bassons qui vibrent plus que la clarinette dans toutes les écoles du monde. On comprend que quand tout le monde décide de ne pas vibrer, eh bien, effectivement, ça donne quelque chose qui est plus proche de l'orgue, finalement. Hein, voilà. Et pour, notamment, je pense qu'on peut le qualifier pour la musique germanique, pour les bois et les cuivres. Si vous faites entendre tout le monde sans vibrer, ça donne quelque chose d'extrêmement fort. Je pense maintenant qu'on pourrait aussi écouter des pièces comme Et expectorum resurrectionem d'Olivier Messiaen. C'est une pièce que j'ai dirigée il y a 2 ou 3 ans à Cardiff. C'est une pièce qui ne comprend que des instruments avant, 32 vents. Et l'ensemble sonne comme des orgues. Je dis ça parce que c'est Messiaen. Donc il y a des grands accords. Effectivement, c'était magnifique de pouvoir, depuis le piccolo jusqu'au tuba, en passant par le cor anglais, les bassons, etc., les clarinettes, avoir un son très droit sur tout le monde. Et voilà, c'est-à-dire que là, on décide à ce moment-là, personne ne vibre, pour avoir cette homogénéité. Je pense que c'est ça qui doit être la raison pour de faire la tradition de l'orchestre de Vienne, oui. Effectivement. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi un contraste, quelque chose qui est incohérent, parce que la musique germanique, romantique, si on prend Brahms, ça doit vibrer, Brahms. Le violoncelle vibre, et dès qu'on pense à Brahms, on pense au violoncelle. Moi, quand je pense à ça, les symphonies de Brahms, c'est ça. Donc, et on va de là jusqu'à Mahler, là on est dans Vienne, et puis Vienne, paf, on ne vibre plus. Donc, j'ai l'impression que le vibrato, c'est une espèce de feu follet, comme ça, qui apparaît, qui disparaît dans l'histoire. Thank you. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Je vais vous faire écouter une archive de 1952. C'est Georges Enesco qui répond à Bernard Gavotti à propos de vibrato. Tenez, j'aimerais faire travailler des quatuors de Beethoven à quelques jeunes gens. Vous estimez que l'interprétation qu'on en donne aujourd'hui est, comment dirais-je, défectueuse? Je ne veux pas dire qu'on les massacre, mais quand même, il y aurait beaucoup à redire. Ou alors, on les joue aussi trop bien. Et alors, c'est presque regrettable. Est-ce que vous pourriez nous dire, mon cher maître, ce que vous entendez exactement par « jouer trop bien » ? Avec un trop joli vibrato, trop charnu, trop pathétique, et puis un vibrato permanent. On doit quand même dégrader le vibrato. Ce sont des nuances. Alors qu'il faut parfois laisser aller tout naturellement avec une sonorité de corps. Il faut dégrader le vibrato, c'est-à-dire que le vibrato doit lui-même faire l'objet d'un vibrato, en quelque sorte, Pascal Gallois. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est le vibrato qui est toujours identique, qui est toujours le même. Et ça doit, forcément, dans une phrase, il y a une hiérarchie. Il y a des notes qui sont plus importantes que d'autres. On le sait pour la musique tonale. D'ailleurs, beaucoup, notamment la musique romantique, effectivement, il y a les notes qui sont plus tendues et les notes qui se reposent, comme la tonique ou la dominante. Et forcément, l'expression sera différente. Voilà. Et quand on fait un vibrato systématique, qui est toujours le même, qu'on travaille, il ne faut pas qu'il soit travaillé, le téléphone, moi, le vibrato. J'ajouterais qu'effectivement, s'il est travaillé, c'est pas bon. Je pensais en écoutant ce que disait, ce qu'on entendait là, c'était que je suis ici directeur de conservatoire. Et c'est un conservatoire d'arrondissement où il y a des petits, des débutants, et on va jusqu'à des plus grands, puis même des élèves du CNSM qui reviennent. Et donc, je m'aperçois que quel que soit l'instrument, c'est quand il y a un passage à l'âge adulte que le vibrato devient plus naturel, qu'on recherche le vibrato personnel. Le vibrato personnel apparaît. Voilà, c'est... je dirais que c'est un peu ça. C'est un objet qui permet d'apporter un élément d'expression, mais en fonction, comme je disais, de la hiérarchie de la note dans la tonalité ou alors dans la phrase, il faut y avoir une surprise. Je crois que c'est ça, en fait. C'est la surprise. En fait, si on entend toujours le vibrato identique, on l'a dans les vieux orgues, les premiers orgues électriques là, qu'on a fait dans les années 50, 60, les 70. Moog. Les Moog, ça. Mais parce qu'on était dans la suite des térémines qui vibrent forcément, voilà, puisqu'on tremble. Voilà, ouais. En permanence, c'était ridicule, forcément. Ouais. C'est peut-être l'électronique qui a tué le vibrato, finalement. Bien, c'est une vraie hypothèse. Alors, c'est intéressant comme point de vue, parce que moi, j'ai eu la chance, hein, de chanter en 81 à l'Ensemble Intercontemporain, et au tout début du suivi de hauteur en temps réel de l'ordinateur, qui était la 4X, et ensuite les stations Next, puis l'ordinateur qui suivait en temps réel les hauteurs de son, qui pouvait déclencher les éléments. Et auparavant, on jouait avec les bandes sonores qui étaient déjà préparées en studio, quelle que soit l'acoustique. Finalement, si on jouait dans une cathédrale où il y avait 10 secondes de réverb, ou alors dans un studio d'enregistrement où il y avait 0,5 secondes de réverb, la bande était toujours la même. Et comme on l'a dit tout à l'heure fort justement, on s'adapte à l'acoustique de la salle. Donc le vibrato sera différent si c'est dans une... Là, on est dans une petite pièce dans mon bureau, ou si je suis à l'église Saint-Eustache à côté... Même en vous parlant, et vous, David, vous allez me répondre, pas à la même vitesse. Hein, et si on veut se faire entendre, on trouvera certainement des artifices pour mieux se faire comprendre, et dont le vibrato, à mon avis, fait partie. La question est celle-ci, c'est une adaptation. Alors, pour revenir à la question de l'électronique, l'extension mécanique des instruments acoustiques, comme on dit. C'est vrai que depuis ces dernières années, cette extension devient de plus en plus musicale et moins froide. Voilà. Donc, je pense qu'on va encore continuer à évoluer dans ce cadre-là. D'ailleurs, on parle que l'évolution organologique des instruments passe maintenant par l'informatique. Mais je ne pense pas qu'il faille jeter à la poubelle tout son électronique, quel qu'il soit, parce que ça, quelque part, ça a du charme aussi quand on entend les premiers enregistrements de Pierre-Henri, etc. Voilà, ça donne un côté naturel, voilà, un peu comme, je reviens un peu comme tout à l'heure chez l'enfant ou l'adulte. L'enfant qui ne peut pas cacher, à qui on va montrer un vibrato, ça c'est intéressant. J'invite les auditeurs qui peuvent entendre des petits qui jouent du violon ou qui jouent de la flûte ou du hautbois. À 10 ans, et puis vous écoutez leur grand frère, leur grande sœur, ou les mêmes enfants, quand ils ont 15 ou 16 ans, il y a un changement de personnalité, on le sait, mais par rapport au vibrato aussi. Il y a un changement d'approche du vibrato. Même si les profs ne sont pas derrière à dire vibre plus ou moins. Ouais, ouais. Ouais, parce que je pense que le vibrato, c'est ça veut dire exprimer ses émotions. Et donc, on grandit aussi en exprimant ses émotions ou en les cachant. Hein, voilà, ou un enfant les exprime très fortement, voilà. Mais en tout cas, c'est un outil qui est intéressant à observer. Et encore une fois, je dirais que pour les écoles de musique baroque, par exemple, moi, je fais partie de ceux qui ont étudié dans les années 60-70. Je suis sorti en 78 du Conservatoire de Paris. On ne se posait pas de questions. Nous, les instruments avant, c'était finalement toujours le même, vibrato. Il y avait une tradition que faisait notre maître. Voilà. Et ensuite est arrivée dans les années 80 une grande remise en question de tout ce vibrato par les instruments baroques. Et parallèlement, moi, je vivais ça pour la musique contemporaine. Et puis finalement, après avoir dépassé tous ces dogmes, est-ce qu'on vibre tout le temps? Est-ce qu'on vibre jamais? Est revenu assez rapidement la liberté de s'exprimer comme on le veut, quoi. Mais je répète que si c'est une personne qui a beaucoup de personnalité, eh bien, on est heureux, finalement, de l'entendre et ce vibrato très, très présent. Si c'est une personne qui n'en a pas, ben, on entend que c'est quelque chose qui est surfait, quoi. Thank you. en disant que peut-être l'opéra romantique serait le berceau du vibrato. On l'a donc connecté à ce qui serait comme un trop-plein d'émotions, quelque chose qui est presque au bord du débordement. Je me demande si on pourrait pas penser à un vibrato inverse, qui serait au lieu d'un trop-plein, quelque chose qui serait en dessous la plénitude. Je pense au tout début de l'opéra, Monteverdi, le phénomène du hoquetus, qui est justement un tremblement avec le fait de ne pas tout à fait rentrer dans la mise en voix de ce qu'on a à dire. Oui, oui, oui, c'est tout à fait juste. Moi, d'ailleurs, que le basson fait partie de ce dialogue, hein, je dirais, entre la joue période... Joue avec le seuil aussi. La période très ancienne, du tout début du baroque, et puis j'ai eu la chance d'en faire un instrument très contemporain, et il n'y avait pas le jazz qui avait utilisé le basson. Donc j'ai pu être libre sur mon instrument par rapport à d'autres. C'est pour ça que je vous parlais de Maurice André, du jazz et de toutes ces écoles-là. Et j'ai beaucoup eu d'intérêt à écouter Benoît Boivin tout à l'heure parler de la guitare, parce que justement c'est le contraire du basson, c'est un instrument très très populaire. Et aussi là, dans la musique populaire, notamment sud-américaine, le vibrato outré dont tu parlais, et quelque chose de normal, quoi. Voilà, c'est l'outrance devient normale, je pense, dans la musique du sud de l'Espagne, par exemple, hein, d'Andalousie. C'est aussi une question, le vibrato, qu'on rencontre au-delà de la musique en poésie, et avec à peu près les mêmes termes, c'est-à-dire à un moment donné une espèce de trop-plein de lyrisme dont on ne peut plus, et on va avoir un revirement dans l'histoire de la deuxième partie du 20e siècle en poésie, où on va vouloir la voix blanche, et puis après on va chercher un entre-deux. Je vous ai apporté une archive du poète Dominique Fourcade au micro de Christian Rosset. Pour vous, il faudrait, j'imagine, que cette voix ait un certain grain, comme on dit, et même du vibrato, exprime la passion selon des choses qui sont parfois des codes, ce ne serait pas des voix blanches. Si, ça peut être aussi une voix blanche. Ça peut être une voix avec vibrato, et ça peut être une voix blanche. Vous m'aviez fait remarquer que, et même peut-être vous aviez une réserve, quand j'ai proposé qu'on mette Cecilia Bartoli chantant du Vivaldi, parce qu'il y avait du vibrato. Mais l'art inclut le vibrato, et l'art se fait aussi, tout aussi grand, dans l'absence complète de vibrato. Ce qui n'est pas forcément une voix blanche non plus, d'ailleurs, l'absence de vibrato. Ce serait peut-être, disons, une voix plate. L'art se fait dans la planité, le plan, de même qu'il se fait dans le volume et dans la perspective. Et si... Dans la sensibilité qui est la mienne aujourd'hui, j'essayerais de me méfier de tout vibrato possible. Il est clair que je suis constamment moi-même rattrapé dans mon écriture par mon propre vibrato et que j'essaye de le casser. En somme, l'écriture, c'est quelque chose qui se met en route avec ses qualités et ses défauts et que l'on casse. Mais le danger, quand on casse quelque chose, c'est qu'on casse pas seulement les défauts, on casse aussi la qualité. Tant pis, il faut prendre ce risque-là. Il y a un moment dans l'écriture où ça devient vraiment fort, qu'on est acculé à une totale absence de solution. On ne s'en sort plus. Pascal Gallois, on est obligé d'avancer, même si... Oui, en entendant ça, moi je pensais à Giorgi Kurtag et à Salvatore Sciarrino. parce que effectivement là, c'est un exemple pour la musique. On est allé vers l'infiniment petit. Donc il n'y a même plus de vibrato du tout, il n'y a même plus de souffle, ou juste un début de souffle, même plus de début de son. Et ça devient extrêmement émouvant. C'est un compositeur, on ne peut plus poétique. Courtag est un des plus grands connaisseurs de poésie, de française, russe, allemande, hongroise bien sûr, avec qui j'ai beaucoup parlé de poésie, et j'ai eu la chance de poésie des instruments. Et justement, le vibrato n'était jamais là parce que justement, la note était à peine née, la hauteur du son était à peine présente. C'est Chiarino aussi, c'est ça. Donc ça veut dire que, là je reprends ce qu'on vient d'entendre, on casse toute l'idée de romantisme, de vouloir remplir une salle comme effectivement la Scala ou l'Opéra de Paris. Et on s'en fout finalement, et on est à l'intérieur de soi-même, et puis on écoute la vibration de l'air, voilà, les débuts cette énergie qui produit la hauteur du son, et ça devient, on ne peut plus, poétique, et quelquefois par un petit bout de vibrato, par-ci, par-là, un peu par accident. Mais paradoxalement, ces compositeurs, ils sont très rarement satisfaits. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à ça. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Georgi Kurtag, par exemple, est un grand, grand travailleur, très et très exigeant. Et encore une fois, quand j'entends le mot poésie et que je l'associe à musique, c'est effectivement son nom qui me vient depuis tout à l'heure. Je n'ai pas pensé à parler de lui. Et c'est un exemple. Salvatore Chiarino aussi, Helmut Lahrenmann aussi. Donc... peut-être que le vibrato, comme on disait, romantique, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être vouloir un peu se dépasser, remplir une salle quand on est seul, soprane ou ténor ou un basson, dans une grande salle classique à la Scala de Milan, quand on a un solo, on va faire un vibrato, oui. Voilà, c'est nécessaire. Si on prend un ensemble de 15 trompettes, ils n'ont pas besoin de vibrer. Voilà. mais en tout cas... Il y a le moyen de se faire entendre, il y a le moyen de toucher quelque chose, de toucher le cœur des gens, hein, comme le fait la poésie. Moi, j'aime bien ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire, finalement, il faut prendre le risque de tout casser. C'est exactement là que je me suis dit, mais c'est vrai, là, il faut que je pense à mon ami Georgi Kurtag. Faut penser, on casse tout, puis tant pis, on casse tout, puis on remonte les choses, et on repart à zéro, comme si on découvrait la musique, quoi, et comme si on redécouvrait la poésie. Et le vibrato, il va, c'est très curieux parce qu'il va réapparaître ça et là. Voilà, il y a toujours un moment où il va réapparaître. C'est comme des herbes folles qui sont là. Et quelquefois, ces herbes folles sont magnifiques quand on ne les a pas voulu. Et je crois que c'est ça. C'est surtout l'absence de volonté. Je dirais, de tout ce que j'ai entendu, toutes les réflexions, c'est le vibrato voulu, volontairement placé, exagérément, tout ça, eh bien non, personne ne le veut. Tout à l'heure, on entendait Benoît Boivin qui parlait en fonction de ses cordes de guitare, les cordes graves, les cordes aiguës. Moi, j'ai un instrument, le basson, qui joue entre les trois grands registres, hein, de la voix humaine, les quatre même, et le vibrato n'est pas le même. Effectivement, il est forcément plus rapide quand on est en haut de la clé de sol que dans le bas de la clé de fa. Peut-être aussi parce que les ondes pour percevoir le son sont plus larges dans le grave que dans l'aigu. Donc le vibrato aura aussi une différence pour être perçu. Donc il y a vraiment aussi une question physique, la physique du son aussi qui est inhérente dans cette question. Merci beaucoup, Pascal. Merci, David. Gallois. Et je rappelle que si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site metaclassique.com avec toutes les émissions précédentes de la série. croiser mon